إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On continue, inshallah ta'ala, l'explication et la traduction du livre Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna il-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Le dernier cours, on est rentré dans les règles qui sont propres aux attributs d'Allah Azzawajal, Qawa'idun fi sifatillahi ta'ala, qui constitue la deuxième partie du livre. Car la première partie était dédiée au nom d'Allah Azzawajal, et cette deuxième partie, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu la première règle, on l'a expliqué en détail, et donc on a insisté sur le caractère parfait des attributs d'Allah Azza wa Jal. Comme l'avait dit le Cheikh, Sifatullah Ta'ala, Kulwa Sifatun Kamal, Kulwa Sifatu Kamal, La Naqsa Fiha Biwajin Min Al-Wujuh. Donc tous les attributs d'Allah Azza wa Jal sont des attributs qui sont parfaits, absolument parfaits, et qu'il n'y a pas d'imperfection, aucune imperfection, sous tous les aspects que ce soit. Et on avait vu qu'à partir des attributs de façon générale, comme le Shir avait fait apparaître dans son livre, qu'il y avait trois catégories, ces trois catégories on les a expliquées, et on est revenu donc principalement à une catégorie qui est celle qui va être uniquement et spécialement pour Allah Azzawajal, celle où sont regroupés les attributs qui sont, eux, parfaits de manière absolue, c'est-à-dire la perfection absolue. Al-Kamal al-Mutlaq. La perfection absolue. Al-Kamal al-Mutlaq. Et lorsqu'on a parlé de Al-Kamal, la perfection, on a parlé de ce qui était également propre à l'être humain, c'est-à-dire une perfection qui va être propre à l'être humain. C'est-à-dire une perfection, elle, qui est nisbi, qui est uniquement relative, contrairement à la perfection d'Allah Azzawajal, qui est, elle, absolue. Et on avait dit qu'on allait expliquer et mettre en évidence qu'est-ce qu'on veut dire par ce terme Kamal, ce terme, la perfection, lorsqu'on parle de Al-Makhluq, des créatures, de la créature, et lorsqu'on parle de Al-Khaliq, le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la question qu'on va se poser, ou les deux questions qu'on va se poser, Hal kullu kamal, Hal kullu kamal fil makhluq, kamal ou fillah, c'est-à-dire est-ce que tout ce qui est considéré comme parfait chez la tribu va être parfait chez Allah Azzawajal? La réponse, bien entendu, c'est non. Et la deuxième question, Hal kullu kamal fillah et kamal ou fil makhluq, c'est-à-dire est-ce que tout ce qui est parfait dans le droit d'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à Allah, est-ce que ça va être parfait pour ce qui est des créatures? La réponse, bien entendu, évidemment, c'est non. Et on va donner des exemples. Pour ce qui est du premier cas, ce qui est considéré comme perfection chez l'homme, l'exemple qu'on donne, al-akl, al-sharb. Al-akl, al-shurb, al-nikah. C'est-à-dire que l'homme, il mange, il boit et il se marie. Il a donc des rapports. Tout cela par rapport à l'homme, ça va être considéré comme une perfection. Par exemple, une personne qui ne pourrait pas se marier, qui serait impuissante, ça c'est considéré par rapport à lui comme une imperfection. En cas contraire, c'est considéré comme une perfection. Et ainsi de suite. Taïeb. Par contre, ces attributs, dans le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est impossible. Et c'est considéré comme une imperfection totale. Ça ne peut être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Donc ça, c'est par rapport au premier cas. Et maintenant, si on regarde le deuxième cas, est-ce que tout ce qui serait, tout ce qui est parfait dans le droit d'Allah azawajal est parfait dans le droit de la créature? On avait dit bien entendu que non. Et l'exemple que l'on donne, c'est l'exemple de Atakabur. Atakabur, l'orgueil. On sait que Atakabur, c'est-à-dire l'orgueil, dans le droit du fils d'Adam, c'est une imperfection. Et il est interdit qu'il se caractérise par cet attribut, par cette qualité, ou par cette caractéristique. Strictement interdit. Atakabur. Donc dans le droit, ici, ou dans le cas de la personne, c'est une imperfection pure. Alors que dans le droit d'Allah, atakabur, l'orgueil, c'est bien le contraire, une perfection qui est absolue. Car on sait qu'Allah Azzawajal, parmi ses noms, Al-Mutakabbir qui fait partie des noms d'Allah Azzawajal, que l'on retrouve dans le Coran, comme dans ce verset, « Wallahu alladhi la ilaha illa hu » الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون المتكبر comme dans ce verset. Et également comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous informe à la fin des temps qu'Allah azza wa jal prendra dans sa main السماوات والارض وَأَرْضَهُ سَمَوَاتِ وَأَرْضَهُ يَأْخُذَ الْجَبَّارُ سَمَوَاتِ وَأَرْضَهُ. Il prendra donc les cieux et la terre. Et il dira, subhanahu wa ta'ala, أَنَا الرَّحْمَنِ أَنَا الْمَلِكِ أَنَا الْقُدُّوسِ أَنَا السَّلَامِ أَنَا الْمُؤْمِنِ أَنَا الْمُهَيْمِنِ أَنَا الْعَزِيزِ أَنَا الْجَبَّارِ أَنَا الْمُتَكَبِّرِ أَنَا الْمُتَكَبِّرِ أَنَا الَّذِي بَدَأْتَ الدُّنْيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا أَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ. Donc ici également dans ce hadith authentique où l'attribut d'Allah Azzawajal Al-Mutakabbir nous est cité. Al-Mutakabbir, dans le cas d'Allah, c'est une perfection. Et comment expliquer les savants Al-Takabbur, pour bien comprendre ce terme Al-Takabbur, qu'on traduit par l'orgueil de façon générale, au niveau de la langue arabe, son origine c'est Al-Imtina. وعدم الانقياد وعدم الانقياد الامتناع donc le fait de s'abstenir d'une chose ou de repousser, de rejeter une chose, de s'interdire une chose, etc. Et pour ce qui est du droit d'Allah Azzawajal ici, comme l'ont expliqué les savants d'après les salafs, comme à l'exemple de l'imam Qatada al-Mufassir al-Mashhur parmi les salafs, يقول هو الذي تكبر عن كل سوء هو الذي تكبر عن كل سوء. C'est donc celui qui va repousser de lui tout ce qui fait partie du mal, tout ce qui fait partie de l'imperfection, sou, de façon générale. On pourrait également traduire celui qui est au-dessus de tout ce qui est imparfait. تكبر. Donc il s'est enorgueilli, subhanahu wa ta'ala, par rapport à l'imperfection. Et donc ici, c'est bel et bien un attribut qui a un caractère de perfection absolue. Par contre, pour ce qui serait du droit de Al-Makhluqin, pour ce qui est des créatures, ce serait bien entendu une imperfection. Car comment l'homme, avec tous ses défauts, toutes ses imperfections, il peut devenir orgueilleux. Ayyad billah. Tayyib. Et d'autres savants ont dit Alladhi takabbara an kulli naqs. Donc là, ça revient toujours à la même signification. Wa ta'azzama amma la yaliqu bihi. Donc qui est au-dessus de toute imperfection, qui est bien plus grand par rapport à ce qui ne correspond pas à lui, subhanahu wa ta'ala, etc. Hada ma'na al-mutakabbir. Et ici, donc, dans le droit d'Allah, c'est bien entendu une perfection, contrairement à ce qui est du droit de la créature. Donc on voit ici bel et bien que dans les deux cas, dans les deux questions qu'on a posées, c'était bien entendu une réponse négative. Et on a donné donc les exemples pour prouver ce qui a été dit. Et pour que ce soit plus clair donc, pour ce qui a précédé. Maintenant on va continuer sur l'explication de la deuxième règle que Cheikh Uthaymeen rahmatullah alayh nous a cité dans son livre. Et qui est la suivante. يقول رحمه الله القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء. Cette règle là qui est la suivante, le chapitre, si on traduisait ainsi, al-bab, c'est-à-dire tout ce qui concerne les attributs d'Allah Azzawajal, est plus vaste et plus large que les noms ou que le chapitre des noms, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les noms d'Allah Azza wa Jalla. C'est plus vaste. Awsa'u. Et on va voir ce qu'il veut dire le shir par cette règle-là. Donc, babu sifati awsa'u min babil asma. Aw tasmiya. Le fait donc, on peut dire également tasmiya, c'est-à-dire le fait d'appeler. Le fait de donner un nom. On va voir, na'am, que cela est bien plus général. Et on va expliquer pourquoi à travers l'explication et le texte du shir. Yaqul, rahimahullah, wa dhalika li anna kulla ismin mutadammin li sifati kama sabaqa fi al-qa'idati al-thalitha min qawa'id al-asma. Wa li anna min as-sifati ma yata'allaqu bi af'ali Allah ta'ala. وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها قال الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Même s'il y avait sur terre autant de plumes, de plumes pour écrire, al-qalam, ici au jam, bien entendu, al-qalam, quand bien même, autant d'arbres, autant d'océans, quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en qalam, le pluriel ici employé, al-qalam, qui est donc les plumes pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre, où confluerait sept autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant, et sage. Le shir nous dit ici, il va nous renvoyer une règle qu'on a vue, qui était la règle, la troisième règle par rapport au nom d'Allah Azzawajal. Et on sait que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils contiennent un attribut. Donc chaque nom va contenir un attribut. Donc à partir de là, au minimum, dès qu'on sait cela, on va savoir que les noms ne seront jamais plus vastes que les attributs. Ils seront au maximum équivalents. Mais le shir, après avoir dit cela, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous donner ici donc al-ta'lil, c'est-à-dire il va nous donner la cause de cette règle-là. Pourquoi on a dit cette règle-là? Qu'est-ce qui vient attester cette règle-là? Il nous dit en deuxième point, c'est parce que parmi les attributs d'Allah Azzawajal, il y a ce qui est rattaché aux actes d'Allah Azzawajal. Ma yata'allaqu bi af'alillahi ta'ala, qui est raccroché, qui concerne les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que les actes d'Allah, ou af'alu la muntahala, ils sont infinis. Ils n'ont point de limite, les actes d'Allah Azzawajal. Ça, c'est la deuxième cause ici. Donc à partir de là, on va savoir que les attributs, ils sont bien plus larges, bien plus vastes, où le chapitre des attributs est bien plus large, bien plus vaste que le chapitre des noms. Kama anna aqwalahu la muntaha laha. Et de même, pour ce qui est des paroles d'Allah Azzawajal, il n'y a pas de limite pour la parole d'Allah Azzawajal. Aucune limite. C'est infini. Et il nous rappelle ici le verset qu'on a cité et qui est le suivant. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en qalam, aqlam, plume pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre, confluerait cet autre océan, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. Donc ici c'est une preuve qu'il n'y a pas de limite pour la parole d'Allah Azzawajal. Donc vu que les parmi les attributs, ceux qui sont en relation avec les actes d'Allah Azzawajal, et que les actes d'Allah n'ont pas de limite, donc automatiquement ça va être bien plus vaste que les noms d'Allah Azzawajal, que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va nous donner des exemples, le shir, pour que cela devienne bien plus clair. Yaqul rahimahullah, wa min amthilati dhalik أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى كما قال الله تعالى وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقال فأخذهم الله بذنوبهم وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقال إن بطش ربك لشديد وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها فلا نقول إن من أسمائه الجائب والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصف به. Le shir donc ici, parmi les exemples qu'il nous a donné, on sait que Allah Azza wa Jalla a des attributs, il a des attributs qui sont propres à lui subhanahu wa ta'ala et qui nous sont donc cités dans le Coran, car on sait que pour ce qui est des noms, pour ce qui est des attributs d'Allah Azzawajal, on ne peut attester cela uniquement en revenant soit au Coran ou soit à la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul et unique moyen de connaître donc les attributs d'Allah Azzawajal et également ses noms. Pour ce qui est de Waja'a Rabbuka, et ton Seigneur arriva, vint, ça c'est Al-Maji. Donc, le fait de venir. Al-Maji. Tayyib, ton Seigneur arrivant. Qui est l'arrivée. Donc ici, qui est l'attribut, l'arrivée. Al-Maji. Dans le verset suivant. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamam. Qu'attendent-ils si ce n'est qu'Allah vienne à l'ombre des nuées. Donc ici, Al-Ityan, qui est la venue. Qui est la venue. Donc pour le premier, Al-Maji, c'est l'arrivée. Et pour le deuxième, Al-Ityan, c'est la venue. Wa qala fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Ici, c'est l'akhd. Ici, c'est l'akhd. Allah les saisit pour leurs péchés. Donc c'est la saisie, l'akhd. Également dans l'autre verset, ou le verset suivant, tout cela, bien entendu, c'est des exemples. Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi-idnihi. Il retient le ciel afin qu'il ne tombe sur ça ou sur la terre. Il retient le ciel afin qu'il ne tombe sur la terre, sauf par sa permission. Donc ici, l'attribut, c'est la retenue, al-imsak, la retenue, le fait qu'Allah Azza wa Jalla retienne. Dans le verset suivant, inna batsha rabbika lashadid. La riposte de ton Seigneur est terrible, al-batsh, donc qui est la riposte ici. Ainsi que d'autres exemple que le chien n'a pas donné ici, car il y en a plusieurs. Donc tout c'est également l'Al-Nuzul nous a rapporté le chien, également le hadith par rapport à Al-Nuzul. Yanzilu Rabbuna ila samaa'i dunya, donc qui est la descente. On sait qu'Allah Azza wa Jalla il descend, ila samaa'i dunya, au ciel de la terre. Et dans le verset également qu'il avait cité le chien, yuridu Allahu bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra. Donc ici, Al-Irada, c'est-à-dire la volonté. Al-Irada, la volonté. Tout ça, c'est des attributs. Et on doit donc les attester comme cela nous est parvenu ici dans le Coran ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, ce qui ne nous est pas permis de faire, c'est d'appeler Allah Azzawajal par un de ses attributs, c'est-à-dire lui donner un nom, tasmiya, lui donner un nom à partir de cet attribut. Comme les exemples qu'il va nous donner le shir lorsqu'on a dit qu'Allah Azzawajal vient. Ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam. Al-ityan. On n'a pas le droit que de dire que Allah Azzawajal wal ati. Donc celui qui vient. Également, le venant. Le venant. Également, comme on avait vu, al-maji. On n'a pas le droit de dire qu'Allah Azzawajal wal maji. Donc, l'arrivant. L'arrivant. Celui qui vient. Celui qui arrive. Non, celui qui arrive. De même pour ce qui est de l'akhd. On n'a pas le droit de dire qu'Allah Azzawajal wal akhidh. Wal akhidh. C'est-à-dire, le saisissant. Également, al-mumsik. Al-mumsik. On sait que parmi ses attributs, al-imsak, on n'a pas le droit de dire que c'est al-mumsik. Donc le nom serait tiré de cet attribut. Le retenant. Également, al-batish. Riposteur. Également, al-murid. Le voulant, celui qui veut. Al-nazil. Le descendant. Par rapport donc au hadith de Nuzul. Etc. Tout ça, on n'a pas le droit de donner ce nom ou ces noms à Allah Azzawajal en fonction de ses attributs. Donc à partir de là, on va voir automatiquement le chapitre des attributs d'Allah Azzawajal est bien plus vaste que le chapitre des noms, sachant donc qu'il y aura automatiquement beaucoup plus d'attributs que de noms, beaucoup plus d'attributs que de noms. Ça sera bien plus vaste vu qu'Allah Azzawajal il a des attributs, que ces attributs, il y a parmi eux ceux qui sont en relation avec son acte, et l'acte d'Allah dans son jar, c'est quelque chose qui est bien entendu infini, qui n'a aucune limite. Et de même également, ce qu'on peut rajouter, et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, le cours dernier, on a vu qu'il y a certains attributs, sous un aspect, ils sont considérés comme parfaits, sous un autre aspect, ils sont considérés comme imparfaits. Et ces attributs-là, il n'est pas possible également d'en tirer un nom et donc d'appeler Allah Azzawajal de par ce nom, comme par exemple l'exemple qu'on avait vu, Al-Makr, et de dire qu'Allah Azzawajal est Al-Makir. Ça voudrait dire Al-Makir qu'il fait cela de manière continue, qu'il trompe donc de manière continue, ruse, de manière continue. Et on a vu que ça, c'est également strictement interdit. Donc on voit que ce Biadalwaj, cet aspect-là, également, on voit bien donc que les attributs vont être bien plus vastes que ce qui concerne les noms. Ça, c'est pour cette règle. Ensuite, la règle prochaine, et qui est la suivante, il nous dit le shir, rahimallah, al-qa'idatu thalitha, c'est-à-dire donc la troisième règle, et qui est la suivante. صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية ثبوتية وسلبية. Les attributs d'Allah Azzawajal, صفات الله, le très haut, تنقسم إلى قسمين, se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est les attributs qui sont attestés. C'est pour ça qu'il dit le shir ثبوتية, ou on pourrait dire mushbata, on pourrait dire donc mushbata, qui sont attestés, thubutiya, qui ont un caractère affirmé. Et la deuxième catégorie, salbiya, c'est-à-dire on pourrait dire également manfiya, on pourrait dire manfiya, qui sont niés, des attributs qui sont niés. Quand on sait que salb, qui vient du terme salbiya, ça veut dire en arabe nafi, qu'on dise manfiya ou salbiya, c'est de même, et qui ont donc qui sont niés, qui ont un caractère négatif. Donc on pourrait se poser la question pourquoi il dit le shirk dans cette règle sifatullah, les attributs, et ensuite il dit qu'il y en a certains qui sont à caractère négatif qu'on nie. En réalité, on va comprendre lorsque le shirk va expliquer, il va détailler ces deux catégories, on va exactement comprendre ce qui est voulu par là et pour qu'il n'y ait pas ensuite d'ambiguïté. Fayaqul le shirk فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. Le cheikh nous dit ici, pour ce qui est de la première catégorie, on est dans la catégorie de al-sifat al-thubutiyah. Donc, les attributs qui sont attestés pour Allah Azzawajal, qui sont attestés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Muthbata. Il dit, ce sont donc les attributs qu'Allah Azzawajal, il a attesté de lui-même, pour lui-même, dans son livre. Ou alors, qu'il a attesté par la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc bien entendu dans la sunna et la sunna authentique, et que tous ces attributs ils sont parfaits, qu'il ne se trouve dans ces attributs d'imperfection, et ça de manière absolue sous tous les aspects. Et à l'exemple qu'on a déjà vu, les exemples qu'on a déjà vu, al-haya, la vie, al-ilm, la science, al-qudra, la puissance, al-istiwa ou al-arsh, l'établissement sur le trône, un nuzul ou ila sama et dunya, la descente au ciel de la vie d'ici-bas, al-waj, le visage, al-yadayn, les deux mains, etc. Tous ces attributs, ils ont été attestés. Donc on dit sifatun thubutiyya. Ils ont été attestés soit dans le Coran, soit dans la sunna. Il nous dit le shir, il nous est donc obligatoire de les attester de même. Et de manière réelle, haqiqatan, de manière réelle. Comme cela est conforme à Allah Azzawajal, c'est-à-dire suivant sa perfection. Allah Azzawajal, il est parfait. Tout ce qui est annexé à Allah Azzawajal est donc parfait. Et non. Comme on l'a vu ça, pour ce qui est de l'annexion, tout ce qui va être annexé à ce qui est imparfait, ça va être imparfait. Taïb. Et ce qui est annexé à ce qui est parfait, ça devient donc automatiquement laissé parfait. Et il nous dit le shir, bidalil sam wal aql, ici de méthode d'argumentation. La première, sam qu'on a déjà vu, qu'on a déjà expliqué, on veut dire par là les textes, le Coran et la sunna, de ce qu'on entend. Wal aql, par la raison, également par la raison, de même par la raison. Pour ce qui est de Assam, cette première méthode d'argumentation, elle est simple, mais elle est si fondamentale. Et si tout le monde s'était vraiment accroché à elle, alors les gens n'auraient pas dévié dans ce qui est de la religion de façon générale, et plus précisément, Fiyad al-Bab, c'est-à-dire dans ce chapitre-là, qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, Amma Assam, فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله بكل ما أخبر به عن مرسله والله عز وجل. Donc ce premier verset qui est le suivant. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier s'égare loin dans l'égarement. Ici, le shir, le verset est clair, il va nous donner l'aspect argumentatif. Il va dire, la foi en Allah va comprendre, al-iman bi-sifati, la foi en Allah, comme ici, il nous est dit, oh les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah. Et on a vu que, dans la foi en Allah, parmi cette foi en Allah, c'est croire en sa présence, c'est croire également en ses attributs. En ses attributs. C'est pour ça qu'il nous dit le shir, al-iman billah yatadamman al-iman bi sifati. Tayyib. Ça, c'est la première chose que l'on tire du verset. Et ensuite, wal-iman bil kitab alladhi nazala ala rasuli. C'est-à-dire le livre qui est descendu sur le prophète sallam, qui est al-Qur'an. Qu'est-ce qu'il comprend lui? Il comprend al-iman bi kulli ma jaa fihi min sifati Allah. Tous les attributs qui sont advenus dans ce livre. Bien entendu, les attributs annexés à Allah Azzawajal, qui sont venus dans ce livre. Tayyib. Et également, le shir nous dit, « Wa kawnu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasoulu yatadamman » Car ici, il est bien précisé que Muhammad ibn Abdillah, c'est le prophète d'Allah, de par cette tasmiya, « Ala rasouli » sur son prophète. Et donc, le fait que Muhammad soit son prophète, Taïb, le statut de la prophétie ici, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend tout simplement al-iman bi kulli ma akhbara bi an mursilihi. Al-mursil ici, bien entendu, celui qui a envoyé. Et celui qui a envoyé, c'est Allah Azza wa Jal. Donc ici, al-iman bi kulli ma akhbara bi an mursilihi, c'est-à-dire la foi que tout ce qu'il a, de tout ce qu'il a informé à propos de celui qui l'a envoyé, et qui est bien entendu Allah Azza wa Jal. Et ici, c'est plus que clair. Si tout le monde avait cru en cela, comme dans ce verset, alors les gens ne seraient pas écartés. Et précisément ici, pour ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Car si on demande à une personne qui va renier un des attributs d'Allah Azza wa Jal, on va venir vers cette personne. On va lui dire, est-ce qu'Allah Azza wa Jal, dans son livre, il l'a attesté, de par ce terme, cet attribut, comme par exemple Al-Yad, comme par exemple Al-Wajj, comme par exemple Al-Ilm, Al-Haya, etc. Il est obligé de dire oui, car c'est présent dans le Coran. Ensuite, on va lui dire, si toi maintenant tu nies, à cause de tomber, bien entendu, comme c'est la véritable cause et la cause fondamentale de ceux qui sont tombés dans ce qu'on appelle le ta'til, un nafi, le fait de dénier ou renier les attributs d'Allah, de peur de tomber dans l'anthropomorphisme, alors on va lui demander, est-ce que lui, il est plus savant qu'Allah Azzawajal? Pourquoi Allah Azzawajal nous a cité cet attribut de manière claire, sans même interprétation? Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité également les attributs d'Allah Azzawajal? Il n'a pas fait d'interprétation par rapport à ces attributs. Donc on va lui dire, est-ce que tu es plus savant qu'Allah Azzawajal? S'il répond oui, yakfur, bien entendu, il sort d'islam. Et s'il répond non, alors il lui est obligé de revenir à ce qu'Allah Azzawajal a dit. Est-ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé d'Allah Azzawajal dans sa sunnah? Et on verra bien entendu plus de détails pour ce qui est ensuite de l'interprétation et dans les rêves qui vont suivre pour ce qui est des attributs. Ça, c'est pour ce qui est de sam, c'est pour ce qui est la preuve prise du Coran, plus précisément ici. Ou am al-aql, de par la raison. Si maintenant on raisonne, une personne qui a une raison, qui est salim, qui est saine, le shir, il va dire, فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَأَعْلَمُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ غَيْرِهِ فَوَجَبَ إِثْبَاتُهَا لَهُ كَمَا أَخْبَرَ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فإن تردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا مما يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح بما يريد وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل فوجب قبول خبره على ما أخبر به. Ici nous dit le shir, de par notre raison, on sait qu'Allah عز وجل nous a informé dans son livre de ses propres attributs. Et il est plus savant que personne d'autre par rapport à lui-même. Donc c'est plus que évident de par notre raison. Wa asdaqu qilan. Et il est le plus sincère. Et sa parole est la plus sûre. Wa ahsanu hadithan. Et sa parole également, c'est celle qui a une éloquence parfaite, qui a une clarté d'expression parfaite, ou ahsanu hadith min ghayri, que d'autres que lui. Donc à partir de là, si on sait cela, on doit automatiquement attester comme Allah Azzawajal il a attesté. Car Allah Azzawajal, il est celui qui est le plus sincère dans sa parole. Il est celui qui a la plus grande clarté d'expression, l'éloquence dans sa parole. Donc, ce qui a été dit dans le Coran et les termes qui ont été employés, c'est ce qu'il y a de plus parfait. Donc, on ne peut, à partir de là, refuter. Et on est obligé, on est dans l'obligation d'attester ses noms et ses, ou ici, ses attributs. Et il nous dit le shir, min ghayri taraddud, sans même donc hésitation, sans même un doute, avec yaqin, c'est-à-dire avec une certitude complète. Car il nous dit le shir que cette hésitation que l'on pourrait avoir, ou le doute que l'on pourrait avoir, n'advient que dans le cas où une information advient d'une personne qui, dans son cas, il est permis al-jahl, qui est l'ignorance, ou al-kadhib, qui est le mensonge, ou al-ayy, qui est ce qu'on pourrait traduire par le balbutiement, c'est-à-dire le fait de ne pas s'exprimer clairement, bien au contraire, c'est-à-dire une personne qui aurait de grandes lacunes dans la façon de s'exprimer et dont on aurait beaucoup de mal à comprendre ce qu'il dit. Tayyib. Tout, ou alors ces trois caractéristiques qui sont des imperfections, cela est strictement interdit dans le droit d'Allah Azzawajal, de par notre raison. Strictement interdit qu'on puisse annexer à cela à Allah Azzawajal, de par notre raison. Donc on est obligé, il dit le shirk, fawajaba qubul al-khabari, c'est-à-dire qu'on est obligé ici d'accepter l'information d'Allah Azzawajal, s'y soumettre et de les reconnaître, ces informations concernant ici les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on faisait une remarque ici, ou alors pour encore mieux comprendre ce qui est dit, si maintenant une personne, elle venait, à titre d'exemple, une personne qui serait malade, on ferait appeler une personne qui n'aurait aucune science dans la médecine, c'est-à-dire, type d'exemple, un menuisier. On le fera appeler, cette personne-là, elle viendrait, elle ausculterait la personne malade, et ensuite elle donnera un remède. Est-ce qu'on va croire à ce qu'elle a dit, cette personne-là? Bien entendu non, parce qu'elle n'a aucune science, elle n'a pas de science par rapport à ce qu'elle a dit. Taïb, c'est l'ignorance, c'est le jahl. Dans le cas d'Allah Azzawajal, c'est strictement interdit, car Allah Azzawajal, on sait et on a vu auparavant qu'il a les attributs qui sont parfaits, les noms qui sont parfaits, perfection absolue. Et parmi ces attributs, al-ilm, c'est-à-dire la science absolue. Pour ce qui est d'al-kadhib, le mensonge, il se peut que on fasse venir un médecin, cette fois, quelqu'un de spécialisé, qui a la science, mais qui, une fois avoir ausculté le médecin, demande une somme très importante pour qu'il puisse être guéri. Et on sait que cette personne-là n'est pas une personne dont on peut se fier, qui est connue donc pour être une personne qui ment. Et donc à ce moment-là, on aurait du mal à croire ce qu'il dit, de peur qu'il dise, qu'il atteste de cette maladie, et ensuite qu'il propose un remède pour tout simplement obtenir de l'argent, une grosse somme d'argent. Pour ce qui est de ce cas-là, c'est strictement impossible dans le droit d'Allah Azzawajal. Car Allah Azzawajal, c'est lui qui a la sincérité absolue. Asdaqu qilan. Et de même, al-'ayy, si par exemple maintenant un médecin qui viendrait, qui serait une personne sincère, et qui connaît son métier, mais qui aurait, par exemple, qui parlait dans une langue que l'on ne comprend pas, ou qui aurait tellement de mal à s'exprimer qu'on ne pourrait comprendre ce qu'il dirait, alors automatiquement dans ce cas-là, on pourrait également lui faire confiance du fait qu'on pourrait comprendre ses paroles. Ici également, c'est strictement interdit dans le droit d'Allah Azzawajal. Car Allah Azzawajal, wa ahsanu hadithan, c'est celui donc qui a al-bayan, al-balara, al-mutlaqa, c'est-à-dire la façon ou la clarté d'expression, l'éloquence, comme on a dit, qui est donc absolue et parfaite. Donc si maintenant on sait tout cela dans le droit d'Allah Azzawajal, et que personne de par sa raison ne peut réfuter cela, sauf celui qui perd la raison ou qui yakfur, c'est-à-dire qui sort de l'islam, on ne peut donc réfuter ce qu'il a attesté comme attribut dans son livre. Et c'est pour ça qu'il dit le shir ensuite, وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. De même pour ce qui est du prophète صلى الله عليه وسلم, on sait que Allah عز وجل l'a choisi, le prophète صلى الله عليه وسلم, et que le prophète était celui qui avait le plus de science par rapport à son Seigneur, qui connaissait son Seigneur le plus parmi les hommes, et qui était celui qui était sincère dans ce qu'il informe. Et de même, le prophète صلى الله عليه وسلم avait une éloquence, une clarté d'expression. Et donc, à partir de là, le prophète صلى الله عليه وسلم également, ce qu'il a dit, ce qu'il a informé, de par notre raison, on ne peut le réfuter. On ne peut donner des interprétations qui sont vaines et qui sont contraires à ce qui nous a été informé. Ça donc ici, c'est pour cette première catégorie qui est As-Sifat al-Thubutiyya. Et à partir de cette catégorie, le shirk, il a argumenté pour ce qui est d'attester les attributs d'Allah Azzawajal, pour ce qui est de l'attestation des attributs d'Allah Azzawajal. Ensuite, As-Sifat al-Salbiyya, As-Sifat al-Salbiyya, ou qu'on avait dit également qu'on pourrait dire Al-Manfiyya, As-Sifat al-Manfiyya. Donc, tout simplement, les attributs qu'on va nier dans le droit d'Allah, qu'on va réfuter, qu'on va délaisser, as-sifat as-salbiyya. Il nous dit le shir, ma nafahu Allah subhanahu an nafsi fi kitabi aw ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kulluha sifat naqs fi haqqi kal-maut wal-nawm wal-jahl wal-nisyan wal-'ajz wat-ta'ab. Fa yajibu nafyuha 'an Allah ta'ala lima sabaqa. مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل وقال الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان ومثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فالنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته ومثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. Et encore les autres exemples qu'il nous a cités le chien. À la kulli hal, ici il va nous dire que ces attributs ما نفى الله سبحانه عن نفسه في كتابه, c'est-à-dire tous les attributs qu'Allah عز وجل il a nié d'eux pour lui-même, c'est-à-dire qu'il va nier donc ses attributs, ou alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renié dans le droit de son Seigneur. Et il nous dit le shirk, kullu asifatu naqsin, ce sont tous des attributs qui sont considérés comme naqs, c'est-à-dire imparfaits, qui sont dits imparfaits. Et les exemples, bien entendu, dans le droit d'Allah azawajal, et les exemples qu'il nous donne, kalmaut, donc la mort, an-nawm, le fait de dormir, al-jahl, l'ignorance, al-jahl, al-nisyan, l'oubli, al-ajz, l'incapacité, wat-ta'ab, qui est la fatigue. Tous ces attributs, Allah Azza wa Jalla, il les a niés dans son livre. Donc, c'est des sifat, mais qui sont ici, bien entendu, salbiya, qui sont donc à caractère négatif, que l'on nie dans le droit d'Allah parce qu'il les a niés dans son droit. Donc le shirk nous dit à partir de là, il nous est obligé de les renier, comme Allah Azza wa Jalla les a reniés, et comme on l'a vu auparavant, imma sabaq. Mais ici, un point qui est fondamental, lorsqu'on parle du fait de renier ses attributs, ce n'est pas les renier pour rien du tout. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a renié ses attributs sans aucune cause. Mais pour ce qui est, on va voir donc plus tard le shirk, à la fin de cette règle, il va nous donner les trois cas, ou l'on va dire les trois raisons Non, les trois raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a relié ses attributs. Ces attributs donc qui ont été cités à titre d'exemple dans son livre. Il va nous donner donc les trois causes. Ce qu'on va voir à la fin de cette règle. Ici, ce qui est fondamental, c'est que comprendre qu'Allah Azzawajal, il a renié ses attributs, c'est avoir la croyance que l'on doit attester leur contraire. À la loi de l'Akmal, dit le shir. C'est-à-dire que l'on doit attester son contraire, et bien entendu, de manière, sous un aspect parfait. C'est-à-dire, par perfection. Et pourquoi cela? Car il nous dit le shir, que Allah Azzawajal, il a renié ses noms, ou il a nié ses noms, car il a voulu par là, c'est-à-dire qu'il a voulu par là mettre en évidence que ses noms ou que ses attributs ils sont totalement nuls dans le droit d'Allah Azzawajal afin d'attester le contraire de ses attributs, le contraire de ses attributs. Donc ce n'est pas un simple ou une simple négation qui n'aurait pas de but. Car, comme le chien va nous l'expliquer, car en réalité, la négation, ce n'est pas une chose qui rentre dans la perfection. Si maintenant, on nierait uniquement des attributs dans le droit d'Allah Azzawajal, ça ne rentre pas dans ce qui est de la perfection. Donc ça ne rentre pas dans le droit d'Allah Azzawajal. Par contre, si on nie maintenant des attributs pour attester de manière absolue et parfaite leur contraire, alors à ce moment-là, naam, ça devient donc la perfection. Si par exemple, on parle de Al-Maut, pourquoi Allah Azzawajal, il a nié la mort par rapport à lui dans Al-Qur'an, dans le Coran? Tout simplement pour attester la perfection de sa vie. Pour attester la perfection de sa vie. De même Al-Nawm, de même donc le sommeil. Il a nié cet attribut-là pour attester la perfection de sa vie. C'est-à-dire al-haya, hayatu. Donc on voit bien ici que ce n'a pas été donc pour rien qu'Allah Azzawajal il a nié ses attributs ici, particulièrement ses attributs. De même pour ce qui est de al-jahl ou al-nisyan, de même pour ce qui est de l'ignorance, de même pour ce qui est de l'oubli. Qu'Allah Azzawajal il a nié cela dans le Coran, c'est pour attester donc son contraire et qui est ici sa science, et donc une science qui est absolue. Donc on voit bien ici que le fait de nier, ce n'a pas été une simple négation, mais que cette négation a eu pour but et pour résultat l'attestation de ce qui va être contraire à cela de manière parfaite, comme on l'a cité à travers ces exemples. C'est pour ça qu'il nous dit le shir, وَذَلِكَ بِأَنَّ النَّفْيَ عَدَمٌ. C'est-à-dire que la négation à elle-même n'a aucune valeur. Adam est considéré comme néant. Voilà, Adam ou les sabichés. Et le néant, bien entendu, ça ne représente rien. Ce n'est rien du tout. Et ensuite, le shir, il va également expliquer, toujours pour ce qui est de la négation. Il va nous dire qu'également, cette négation, pour ce qui ne peut être accepté, ou qui ne peut être donc reçu. Et à titre d'exemple, il nous dit le shir cette phrase, Al-Jidaru la yadlim. Al-Jidaru la yadlim. C'est-à-dire donc que le mur, il ne fait pas d'injustice. Lorsqu'on dit que le mur ne fait pas d'injustice, Al-Jidaru la yadlim, on a nié ici l'injustice dans le droit du mur. Mais dans quel sens ici? Al-Jidaru la yadlim. Tout simplement car il ne peut lui faire injustice déjà à la base, car il a l'incapacité et il n'a pas la réceptivité de cet acte-là. Donc ça ne peut être considéré comme kamel. Tayyib. Et il va nous dire également, le shir, وَقَدْ يَكُنْ يَعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ بِهِ فَيَكُنْ نَقْسًا. Et de même, il se peut dans un autre cas que on va nier une chose, c'est-à-dire on va nier ici un attribut dans le droit d'une personne, tout simplement parce qu'elle a l'incapacité de l'accomplir. Pour Al-Jidar, elle n'avait pas la réceptivité, elle était néant à cette réceptivité, ne peut donc commettre déjà à la base justice ou injustice, car c'est quelque chose inanimé, c'est pour ça qu'il a dit le shirk. وَلِيَنَّ النَّفِيَ قَدْ يَقُولْ لِعَدَمِ قَبِلِيَةِ الْمَحَلِ لَهُ. نعم. قَبِلِيَةِ الْمَحَلِ لَهُ. طيب. Donc c'est dans ce sens qu'on a dit, et qu'ensuite que le shirk, il a cité الْجِدَارُ لَا يَرْضِيَ. Et pour ce qui est du deuxième cas, là où c'est une incapacité, il va nous citer le shirk des vers. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. C'est-à-dire, la traduction, c'est une tribu, donc ici le terme قبيلة, c'est une petite tribu, une tribu qui est faible, une tribu qui n'est pas une grande importance. قبيلة لا يغدرون بذمة, c'est-à-dire donc qu'ils ne peuvent trahir un pacte lorsqu'ils font donc un pacte avec des personnes, ils ne peuvent le trahir. وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدًا. Et ils ne peuvent être injustes, faire injustice envers les gens, ne serait-ce qu'un grain de moutarde. Donc ici, pourquoi ils ne font pas cela? Car c'est une petite tribu par rapport aux autres tribus et qui sont faibles. Donc ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas donc la capacité, s'ils le voulaient, de rompre à la base même les pactes qu'ils ont fait avec les autres tribus. Et ils n'ont également pas la capacité, de par leur faiblesse, de faire de l'injustice à autrui. Donc ici, ça a été nié dans leur cas. Mais ça n'a pas été pour attester le contraire, c'est-à-dire attester une perfection qui serait donc ici el-wafa, le fait donc de conserver un pacte, ou alors le fait ici, bien entendu, al-'adl, la justice, le fait d'être juste envers les gens. Également, un autre, ou l'autre vers qui nous a dit, لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي حَسَبٍ لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَ. C'est-à-dire que, certes, ou alors cependant, mon peuple, même s'ils sont des gens de vertu, ou alors des gens qui ont un lignage, ils ne font de mal à qui que ce soit, si petit soit-il, ou alors si dérisoire ou si méprisable soit-il. Et ici également, ça peut être wal-ihtimal, c'est-à-dire ici il y a possibilité, une éventualité, que ce soit donc par ba'f, c'est-à-dire que ce soit par incapacité, ou alors par faiblesse, le fait donc qu'ils ne font de mal à autrui. Alors kulli hal, c'est l'exemple que nous a donné le shir, et pour nous faire comprendre ici que pour ce qui est de la négation et pour ce qui est donc des attributs d'Allah Azzawajal, cette négation, elle a eu uniquement pour but d'attester son contraire et de façon parfaite. Donc à l'exemple de An-Nisyan, l'oubli, Al-Jal, pour attester la science parfaite d'Allah Azzawajal, etc. Et le Cheikh va nous donner ici des exemples. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياتي. Donc comme on l'a déjà expliqué dans ce verset, وتوكل على الحي الذي لا يموت, fais entière confiance en le vivant, celui qui ne meurt pas. Ici le dit le shir, le fait qu'Allah Azza wa Jalla, ce verset, a nié la mort, c'était tout simplement car cela comprenait son contraire, كمال حياتي, كمال حياتي, donc la vie parfaite d'Allah Azza wa Jalla. Dans notre exemple de même, قوله تعالى وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا فَنَفِي الظُّلْمُ عَنْهُ يَتَضَمَّنْ كَمَالُ عَدْلِهِ. C'est-à-dire que ici, le fait qu'Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, dans la traduction la suivante, il n'y a rien où ton Seigneur n'est injuste envers personne, ton Seigneur n'est injuste envers personne, c'est tout simplement ici une négation. On voit bien que c'est une négation. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Donc c'est une négation d'un attribut. Ici donc, Sifatun salwiya, cet attribut qui est l'injustice. Allah Azza wa Jalla l'a nié, c'est uniquement car elle contient, cette négation, elle contient en elle-même, kamal ou adli. Elle contient donc l'attribut qui va être opposé à celui-là et qui est la justice. Et donc il va comprendre, cette négation va comprendre en elle-même la parfaite justice d'Allah Azza wa Jalla. Donc on comprend mieux pourquoi le shir, lorsqu'il nous avait dit cette règle, il avait dit Sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismayn thubutiyya wa salbiyya. Donc il avait dit Sifatullah. Donc le fait d'avoir nié dans le droit d'Allah Azza wa Jalla ceci, c'était tout simplement pour attester que cela comprenait son contraire. Donc c'est dans ce sens que le shirk il a cité de cette manière cette règle. Également, un autre exemple qui nous donne le cheikh, qui est le troisième, مثال الثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض فالنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته ولهذا قال بعضه إنه كان عليما قديرا لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن يعجزه شيء في السماوات وفي الأرض ولا في الأرض. Donc on voit ici également dans ce verset, et rien dans les cieux ni sur la terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah Azza wa Jalla. On voit ici que dans ce verset, Allah Azza wa Jalla également il va nier. Donc c'est également une négation ici. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. Il nous dit donc le shir de même, cette interdiction, elle comprend en elle-même la perfection de la science d'Allah Azza wa Jalla et également de sa puissance. Donc on voit ici, et c'est une faïda, que le fait de nier un attribut, ça peut revenir à attester plus d'un autre attribut. C'est-à-dire ici, dans ce cas-là, deux attributs, qui est l'ilm et qui est le qudra. Ici, bien entendu, min al-wajh al-akmal, ilmu wa qudratu. Donc sa science et sa puissance. Pourquoi cela ? Bien, l'ajj, nous dit le shir, l'ajj qui est l'incapacité. Ça peut être parfois al-jahl, ça peut être donc la cause de l'ignorance. Bi asbab al-ijad. Ici, bien entendu, on est par rapport à la création. Donc il nous dit le shir, bi asbab al-ijad. C'est-à-dire que la personne, elle peut être tout simplement incapable de faire une chose, tout simplement parce qu'elle ne sait pas comment faire cette chose-là, elle ne sait pas comment la créer, ou alors même la faire de façon générale. Même al-ijad, al-ibimara de façon générale. C'est-à-dire comment faire cette chose-là. Ou alors, il nous dit, shir, wa imma usurul qudrati anhu. Ou alors, qu'on connaisse les moyens d'y parvenir à cette chose, mais qu'on n'a pas la capacité. Taïb, fali kamal il-aimillah. Alors qu'ici, dans le cas d'Allah Azza wa Jal, et c'est ce qu'on atteste donc, car Allah Azza wa Jal, de par la parfaite science qu'il a, et de par la parfaite puissance qu'il a, rien donc ne peut réduire son autorité à Allah Azza wa Jal, soit dans les cieux, ou alors dans la terre. Rien ne peut réduire son autorité. Et là, pourquoi ? Parce qu'il a la science parfaite, et parce qu'il a la puissance parfaite. Donc on voit ici qu'il y a deux attributs qui vont être attestés à travers la négation de cet attribut qui est l'ajj, qui est donc l'incapacité, et qui peut donc, cette incapacité, peut-être, qui peut être donc issue soit de, comme on l'a dit, al-jahl, ou soit donc usul al-qudra, l'ignorance, ou alors l'incapacité. Et dans ces deux cas, c'est bien entendu strictement interdit dans le droit d'Allah Azza wa Jal, et donc on va attester son contraire, la science parfaite et la puissance parfaite. Et c'est pour ça que nous dit le shir, comme on l'a donc souligné ici, وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. C'est-à-dire que on sait maintenant que ces sifa, ces attributs qui sont dits, qui sont négatifs, ils peuvent comprendre plus qu'une perfection. Comme ici le cas de la science et le cas de la puissance. Ensuite, le shir, dans la prochaine règle, donc toujours qui sont en relation avec ce qu'on appelle al-thubutiyya, sifat al-thubutiyya, c'est-à-dire la première catégorie, ici il fera apparaître le shir, comme on l'a dit, comme on l'a précisé, les causes donc qui font qu'Allah Azza wa Jal a attesté dans son livre sifat salbiyya, c'est-à-dire qui a renié des attributs, qui a renié donc des attributs, comme on l'a dit auparavant, qui a renié donc des attributs. On va voir quelles sont les causes, et ça sera donc pour la prochaine catégorie. On va s'arrêter là, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.